Merci de nous rester fidèles, chers auditeurs, auditrices. Veuillez nous excuser pour ce retard. Nous avons eu un problème de coupure d'électricité. Qu'à cela ne tienne, voici tout de suite les titres de cette édition. 100 ménages du quartier Mouchacha 1 de la zone Gatumba, victimes des inondations, ont été délocalisés sur le site de Matiazan, commune Mutimbuzi, de la province Bujumbura ce vendredi. Notre reporter Omer Ndouayo a suivi cette opération. Il nous en dira plus. Et plus de 800 kg de café parche ont été saisis mercredi sur les collines de Nyamabuye et Lugasa, en commune Bugabira, de la province Kirundo. Un présumé fraudeur a été appréhendé, tandis qu'un autre a réussi à prendre le large. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent contre les agents des services publics corrompus. C'est après qu'il a décrié une telle situation la semaine dernière dans une réunion à l'endroit des intervenants dans le secteur du café. Albert Douayo assure la mise en onde. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabidi. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Pour ouvrir cette édition, trois journalistes de la radio-télévision Isanganilo ont été primés respectivement par la Maison de la Presse et le Conseil national de la communication ce vendredi. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Concernant le prix Paix et Médias, il s'agit de deux journalistes primés dans la catégorie radio pour les bons reportages radio pour la prévention et la gestion des conflits communautaires, à savoir Placide Niongongele et Évariste Ndikobanyanga, alors que Jean-Pierre Misago, un journaliste correspondant de la RTI à Lumonge, a été primé pour le prix média du CNC, catégorie télévision, traitant des informations pour le changement comportemental en vue de la vision du Burundi 2040 et 2060. La radio-télévision Isanganilo félicite nos confrères. 100 ménages du quartier Mouchacha 1, zone Gatumba, victimes des inondations liées à la montée des eaux du lac Tanganyika et celle de la rivière Rusizi ont été délocalisés ce vendredi. Général de brigade Aniseni Baruta, président de la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes, indique que ces ménages qui se sont fait enregistrer volontairement vont être installés sur le site de Matiazo en commune Mubimbi de la province Bujumbura. Il affirme que le nécessaire pour survivre à leurs besoins fondamentaux, est déjà disponible et demande à ces familles d'y rester. Celles-ci réclament à leur tour un suivi régulier. Le reportage est signé Omer Ndouayo. Avec un air soucieux, ils disent qu'ils partent sans maîtriser la destination, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Ce sont des victimes des inondations des quartiers Mouchacha, Kinyinya et Gaharawe, de la zone Gatumba. Ils ont été relocalisés ce vendredi vers le site d'Imatiazo, situé dans la commune Mubimbi, en province de Bujumbura. La majorité de ceux qui ont été embarqués est fait des femmes et enfants. Pour celles-ci, le mari reste à la maison pour sécuriser ce qui reste des biens de la famille. Notre maison est totalement inondée. Il n'y a pas même du passage pour déplacer nos biens. C'est pourquoi mon mari est resté à la maison pour les sécuriser. Sinon, on devrait payer les frais de déplacement pour la pirogue qui les transporterait. Or, l'argent n'était pas disponible. Il va me rejoindre avec ses biens. 311 ménages, composés de près de 2000 personnes, se sont déjà fait enregistrer pour être relocalisés volontairement. Général de brigade de police, Aniseni Baruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, indique que seuls les ménages en possession des parcelles en zone Gatumba seront relocalisés. Veuillez nous tenir au courant si vous constatez une personne ne remplissant pas les critères, même si elle serait inscrite sur la liste, car cette activité concerne la population de Gatumba, plus précisément toute personne ayant une maison qui a été touchée par les inondations. Nous avons soutenu les personnes qui louaient des maisons, sont uniquement concernées par cette activité, les propriétaires des maisons inondées alors qu'ils y habitaient. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enregistrer suite à différentes raisons, dont les maladies, Jean Muyoboke, chef de zone Gatumba, tranquillise que tout le monde sera relocalisé. Ceux qui ont été relocalisés demandent au gouvernement un soutien continu. Omer Ndouayo. Et en bref, l'Union européenne a financé 11 programmes à hauteur de 191 millions d'euros dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Burundi pour la période de 2021 à 2024. Cela a été dit ce jeudi par la représentante de l'Union européenne au Burundi lors de la célébration de la journée de l'Union européenne célébrée chaque année le 9 mai. Le secrétaire permanent du ministère des Relations extérieures a remercié les efforts de l'Union européenne pour accompagner les victimes des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Le manque des produits pouvant générer des devises est parmi les causes de la détérioration économique qui se manifeste dans le pays. C'est l'avis du président de l'organisation Force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Folicon F. Gérard Hakizimana appelle le gouvernement à lutter efficacement contre la corruption et à faire face aux conséquences du changement climatique. On l'écoute. Bien sûr, dans notre organisation, nous remarquons également la carence de ces attiques ou la montée des prix de ces derniers. Il est vrai qu'il y a des problèmes et ne font pas rejeter le tort au gouvernement. Nous devons alors reconnaître que des problèmes existent dans beaucoup de pays, notamment les guerres entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi l'Israël et le Gaza. Il y a les effets des changements climatiques. Il y a les conflits régionaux et internationaux. Vous savez, les décorés. Il y a aussi les conflits entre des puissances, il y a aussi les attaques menées par des pillages contre les cargos qui transportent les marchandises qui pourraient ne pas revenir ici. Tous ces problèmes ont des conséquences sur notre économie, notamment le manque de produits et de devises dont nous avons besoin. Donc, dans notre organisation, c'est pourquoi nous disons ou nous demandons au gouvernement de réduire les taxes sur certains produits dont la population a besoin et aussi de surveiller et de lutter contre toutes les formes de malveillance. d'exploitation et de corruption. Et cela contribuerait à la réduction de la souffrance de la population. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'est la mobilisation au travail pour contribuer au développement, car il a été constaté que c'était travail pour les intérêts, mais pas pour des intérêts de notre pays. Et cela peut entraîner au détournement et aussi à la corruption. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent contre les agents des services publics corrompus. Gabriel Oufili, président de cette ONG locale, le dit après que le président de la République ait décrié une telle situation dans les sociétés para-étatiques de la semaine dernière dans une réunion en Gaudi à l'endroit des intervenants dans le secteur café. Suivez Gabriel Oufili. Il est traduit en français par Evariste Ndikobanyang. Jewe buja n'ukuri president biske bintangaza urazi ngene navuga na umusigome ngari no mudefense de droit de l'homme twaba president umusaba ko afata ingingo mu ijambo rimwe nafata ingingo kuko arafise tous les outils à sa disposition. Le chef de l'État s'exprime comme un défenseur des droits de l'homme. Nous voulons qu'il prenne des décisions, car tous les outils sont à sa disposition pour prendre des décisions. Rappelez-vous des dossiers brûlants concernant le détournement de devises. Du nom qu'il a cité d'ici et là, rappelez-vous des barrages de Mbanda et Kajeke, des gens officiellement destitués, mais que le lendemain, l'on les retrouve dans d'autres postes. Ce sont vraiment des questions cruciales liées à la bonne gouvernance. Ces entreprises qui ont le risque de fermer au décal, en l'occurrence, c'est suite à la mauvaise gouvernance. C'est dans la suite logique du détournement des deniers publics et la corruption qui gangrène notre pays. L'exemple le plus brûlant est celui de la perte de 47 millions de dollars américains par an dans des sociétés para-étatiques. Plus d'un s'interroge de la suite réservée à cette situation. Le dire, c'est vrai, le ressent que le chef de l'État est très préoccupé. Il l'a dit depuis 2020 et même aujourd'hui il continue à le dire. Mais il faut qu'il prenne des mesures qui s'imposent. Mu byukuri abarundi bakeneye kuba bivuga cyangwa bakeneye yuko afata ingingo. Abarundi bakeneye kwafata ingingo. Et dans la suite de cette édition, plus de 800 kg de café parche ont été saisis mercredi par la police en collaboration avec la population sur les collines de Nyamabuye et Lugasa, surplombant le lac Chohoha en commune de Bugabila de la province Kirundo. Selon des sources sur place, ce café allait transiter vers le Rwanda voisin. Le gouverneur de Kirundo, Segasago Victor, avait l'avant-veille interpellé les instances habilitées à bien veiller à la fraude du café. Une personne parmi les présumés auteurs est déjà sous les verrous, tandis qu'un autre a pris le large. Abaran Safari pour plus de détails. Comme l'ont précisé la population des collines Nyamabuye et Rugasa en commune de Bugabira, province de Kirundo, et confirmé par l'administrateur de cette commune, Eric Twizerimana, des sacs de café parche pesant au total 832 kg ont été saisis ce mercredi pendant la journée. Les mêmes informations précisent que dans une seule maison située sur la colline Nyamabuye, on y a saisi 804 kg, tandis que sur la colline Rugasa, le bilan de la même opération est de 28 kg dans une seule maison. L'administrateur de cette commune, Eric Twizerimana, nous a fait savoir qu'avant cette opération, ils avaient eu des informations de la part du comité mixte de sécurité qu'il y aurait des sacs de café parche qui seraient prêts à être vendus dans un lieu inconnu. Précisons ici que cette appréhension du café a été faite juste deux jours après la réunion tenue par le gouverneur de Kirundo, le colonel de police Victor Segasago, où il a interpellé à l'administration et le corps de sécurité à bien veiller le trafic clandestin du café. Eric Twizerimana, administrateur de cette commune, demande aux producteurs du café de vendre leurs récoltes dans des lieux connus afin de respecter les prix connus officiellement. Signalons qu'une seule personne est déjà dans les mains de la police pour des raisons d'enquête, tandis qu'une autre a pris le large. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. L'actualité nationale continue. La plupart d'équipements biomédicaux les plus importants de l'hôpital de Natkutula-Choboyé de Karoussi sont en panne depuis une longue période. C'est notamment le scanner, la radiographie et l'équipement d'hémodialyse. Le directeur de cet hôpital, Dr Proté Balibadila, explique que le problème se situe Au manque de techniciens de maintenance de ces appareils dans le pays, l'insuffisance du courant électrique et la problématique de manque de devises pour acheter les pièces de rechange. Blaise Pascal Kalaloumié. Comme confirmé par les responsables de l'hôpital national Natutrachovoye Dokarusi, le scanner passé une année est en panne. La chambre d'hémodialyse pour les malades qui s'occupent des malades d'insuffisance rénale ne fonctionne plus depuis 6 mois, alors qu'elle était même la seule à l'intérieur du pays. Il s'ajoute également la radiographie qui dure déjà 3 mois sans fonctionner. C'est au moment où ces différents appareils biométriques étaient beaucoup plus enviés dans tout le pays, servant les malades envoyés par les médecins de structures de santé de différentes contrées du pays. L'hôpital en profite aussi pour renflouer ses caisses et de là pouvoir réaliser ses différentes activités et projets, comme l'indiquent ses responsables. Certaines gens pensant que cet hôpital national de 3e référence de Karoussi aurait manqué de moyens pour faire réparer tous ses équipements biomédicaux, la direction de cet hôpital expliquait que le problème est lié au fait que les techniciens maintenanciers de ces équipements doivent provenir de l'extérieur du pays et de différentes maisons spécialisées aussi de l'extérieur, et cela selon la provenance de ces équipements biomédicaux. Docteur Proté Balibalila parlait aussi de la problématique des devises. Pour la radiographie, il tranquillise qu'un technicien ougandais arrive incessamment pour la réparation de cet appareil à la fin de cette même semaine en cours. Pour le scanner et l'équipement d'hémodialyse, Docteur Proté signale qu'on a déjà la promesse pour avoir des devises afin de pouvoir les réparer. Il déplore que tous ces équipements biomédicaux de l'hôpital tombent en panne suite à l'insuffisance du courant électrique et avec des coupures intempestives une fois disponible. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kalaloumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Et pour boucler cette édition, le gouvernement du Burundi recommande au ministère des Infrastructures et Équipements de faire une maquette de 3 tours d'une molle qui sera construite à la place de l'ex-marché central de Bujumbura et d'enlever les décombres du site pour qu'il soit dégagé. Ceci a été dit au cours du Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. C'est après avoir analysé une note d'information sur les conceptions préliminaires en vue de la reconstruction de l'ex-marché présentée par le ministre en charge des infrastructures. Le compte rendu avec Jérôme Nyonzima, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. La note propose 2 variantes. La première consistant en la reconstruction d'un complexe comprenant notamment un shopping mall, une salle de conférence de 3000 personnes, un hôtel 5 étoiles, tandis que la deuxième consiste en une construction d'un complexe subdivisé en 5 blocs de bâtiments et une tour de 30 niveaux comprenant notamment plus de 30 000 magasins, supermarchés et boutiques, une salle de conférence pour plus ou moins 1000 personnes et un hôtel 5 étoiles, etc. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a apprécié le travail qui a été réalisé et a formulé les observations suivantes. 1. Faire une maquette de 3 tours à l'image des 3 étoiles du drapeau national et la prêter pour analyse au Conseil des ministres dans un délai de 3 mois. 2. Enlever les décombres du site pour qu'il soit intérêt dégagé tout en valorisant les matériaux qui s'y trouvent. Chercher une maison spécialisée et les moyens pour faire des études préliminaires nécessaires pour cette reconstruction. Jérôme Nyonzima, il est porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Et voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide, Albert Ndouaïo assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.